soir tout semble étouffé, pris dans une nappe de coton. J'entends encore ces cris cachés derrière les portes sans nom. Rendez-vous avec la lune rousse, femme au démon, rêve obsessionnel. Et tous ces anges sans ailes au chaud, loin des secousses. Loin des secousses. Je sais que pour se faire entendre, il faut maintenant apprendre à hurler. Dans ses heures, pour arracher en douceur cette enveloppe de fureur qui m'étrangle peu à peu le cœur. Les anges du passé reviennent attiser les rêves brûlants, invisibles messagers sans aile au chaud, loin du vent. Mais je sais que pour se faire déchirer le sourire, à grands coups de violent soupir, suivre les contours de son ombre et ne plus se reconnaître. Mais ce soir je sais que pour se faire entendre, il faut maintenant apprendre à hurler comme un fou, mais uniquement avec les loups. Je sais que pour se faire passage d'un avion qui résonne, mais le ciel est toujours aussi haut.